Tu sais pourquoi je me rade avec ça? Hein? Parce que celui qui m'amènera la morale avec son uniforme, ok? Il aura plus de chances, ok? De voir sa putain de justice derrière lui. Et moi, la voilà ma justice. Ivac, solo on mic. Amiano As, mixtape, 2010. Ok, sans motif, mec, je suis là. J'suis là pour flinguer les mixtapes en studio amateur. J'plane avec des pires ailes comme celle d'un aviateur. J'arrive vite en tête, vénère comme une bite en l'air. J'ai fait mes preuves, des bites en fait. Vas-y, roule un stick en scred. J'me la joue pas vite au superstar boy qui baisse superstar fille. Un gros doigt pour les keufs, en plus de ça, sous ces Starsky. J'fais des récits hard, pas pour les petites tasses. On est là, j'y cave sur un street click, bah. Vive allure, j'débarque en série 3. Y'a plus de thunes, il faut que j'pique grave. Peu importe quoi ou série grave. Parce que l'espoir fait vivre, je trouve pas dans l'arche-nec d'une pute. Entre les mailles des parésies, j'échappe le vice et la flûte. Tu me vois pas, c'est normal, je rentre quand la tour est éteinte. Hypocrite, tu veux que je passe, j'fais pas la tournée des tops. Y'a des soucis, c'est pas grave, j'écrirai des pages de plus. Et si un Schmitt m'a mis une baffe, c'est que j'les rentre car y'a que match nul. C'est bon, t'as fini d'écrire?